vont terminer à me demander ce que je fais là. Tu les fais toutes paniquer, t'es calibré, j'adore ça. Danse en avant, passe à la maison, tu verras, on est en avance. Et j'ai failli y rester, de Paris jusqu'au Rockmart. Ce soir c'est fuego, ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma jolie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie mi amor, toi et moi c'est le fuego. Et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie mi amor, ce soir c'est fuego. Et c'est fuego. Cogiter toute la nuit, elle m'a mis un KO tatami. Elle m'a fait lâcher Konami. Cette meuf est en sorcelle, elle est la belle et moi le bête. Pas intéressé par l'oseille, elle a du plomb dans la tête, du plomb dans la tête. Yeah. Ce soir c'est fuego, ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma jolie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie mi amor, toi et moi c'est le fuego, et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie mi amor, ce soir c'est fuego, et c'est fuego. Ma chérie, pieds sous les cocotiers. Jette ton tel, pas de wifi. Toi et moi c'est plié. Tu veux un gentil gars pour ami, j'ai pas le temps pour ça. Je serai ton bad boy pour la vie, toi Madonna Ima. Yeah. Ce soir c'est fuego, ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma jolie j'ai dit ce soir c'est fuego. Ma chérie j'ai dit ce soir c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie mi amor, toi et moi c'est le fuego. Et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, toi et moi c'est le fuego. Ma chérie mi amor, ce soir c'est fuego. Et c'est fuego. J't'emmène à Costa del Sol, attends j'suis condamné. Ma chérie mi amor, j'fais de toi mon allié. Toi mon allié, on t'a dit qui m'aime. Je suis, j't'ai dans la tête comme une mélode. Tu fais ça toute la nuit. Ce soir c'est fuego, et c'est fuego. Oh, oh, oh.